À Évreux, rond-point de la Cocherelle. On ne compte plus les liens qui unissent la Normandie et l'Angleterre. On ne parlera même pas de Guillaume, des pierres du Bessin qui ont construit les villages du sud de l'Angleterre, ni de la tapisserie de Bayeux. Mais regardons les données économiques. Sur 500 entreprises étrangères en Normandie, 53 entreprises viennent du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est le 4e client de la Normandie pour l'export et 7e fournisseur pour l'import. Normandie, 4e région de résidence des Britanniques en France. Lien privilégié entre les universités normandes et britannique. Le président de la région Normandie, Hervé Morin, a exprimé ce mercredi 21 novembre à Londres son inquiétude quant aux conséquences du Brexit et la mise en place de nouveaux contrôles sur l'activité et le trafic des ports normands. Notre inquiétude majeure est sur le degré d'anticipation. Il n'est probablement pas satisfaisant pour les services vétérinaires, a déclaré Hervé Morin lors d'une conférence de presse à l'issue d'une visite de 2 jours au Royaume-Uni. Je pense que les douanes ont beaucoup plus anticipé les choses. Il estime qu'après le Brexit, 40% des poids lourds qui vont arriver dans les ports normands vont faire l'objet de contrôles vétérinaires et phytosanitaires. La conclusion d'un accord de sortie, objet du sommet européen de dimanche à Bruxelles, pourrait permettre la mise en place d'une période de transition à partir du 30 mars 2019, au lendemain du Brexit et jusqu'à fin 2020, pour laisser aux entreprises et aux autorités le temps de s'adapter aux nouvelles contraintes réglementaires engendrées par le retrait britannique. Mais cette période d'adaptation ne rassure pas entièrement Hervé Morin. Ça nous donne 1 an et demi de plus, mais un an et demi, c'est très court. Il va y avoir un effort d'adaptation qui est absolument considérable, a-t-il souligné. Hervé Morin s'inquiète également de la facture que représentent les aménagements portuaires nécessaires et la mise en place des contrôles qu'il chiffre en dizaines de millions d'euros. Pour renforcer son action sur le logement et l'insertion, le département de l'Eure va signer lundi une convention avec le comité régional Action Logement autour de 3 axes communs: favoriser l'accès au logement à des jeunes en retour à l'emploi et développer l'offre de logements intergénérationnels, rénover les logements en centre-bourg afin de renforcer l'attractivité des cœurs de ville et accompagner les personnes à mobilité réduite face à l'accès et au maintien dans le logement. Cette convention centrée sur le lien emploi-logement va aussi permettre de mettre en œuvre un nouveau dispositif visant à accompagner les jeunes vers l'emploi par le logement, le pack installation, qui permet dans le cadre d'une embauche de bénéficier d'un kit minimal d'équipement pour son nouveau logement. Cette mesure était prévue dans le cadre du pacte territorial pour l'insertion 2017-2020. Tous ces sujets seront explicités lors de la signature de la convention aujourd'hui à l'hôtel du département, en présence du président du conseil départemental Pascal Lehongre, de la vice-présidente en charge de l'urbanisme, de l'habitat, du logement et de l'économie sociale, Diane Le Seigneur, ainsi que Jacques Furon, président du comité régional Action Logement Normandie. Emmanuel Ducouré est le nouveau patron des sapeurs-pompiers de l'Eure. Ce colonel de 46 ans va prendre la direction du service départemental d'incendie et de secours, le SDIS, à compter du 3 décembre. Une prise de commandement officielle devrait avoir lieu à Évreux, samedi 8. Originaire de Charente, Emmanuel Ducouré occupait depuis 2 ans la direction du centre départemental de la Nièvre. Auparavant, entre 2005 et 2016, il avait successivement été le responsable des ressources humaines des sapeurs-pompiers du Loir-et-Cher, du Maine-et-Loire et de Haute-Savoie. La place Armand Mandel dans le centre-ville d'Évreux a bientôt terminé sa mue. Elle sera inaugurée jeudi 6 décembre 2018 à l'occasion de la foire Saint-Nicolas. Ce jour-là, les promeneurs découvriront le nouveau visage de cet espace entièrement réaménagé, portant en son centre une statue monumentale. Le bâtisseur de cathédrale, actuellement installé dans la cour du musée d'art, histoire et archéologie, sera déplacé sur la place Mandel. Mercredi 5, l'œuvre en fonte d'aluminium a été réalisée par l'artiste Cyril André. Le sculpteur l'a conçu spécialement pour la 3e édition du parcours de sculpture organisé dans le centre-ville du 7 avril au 16 septembre dernier. La statue a été achetée par la ville d'Évreux pour un montant de 45 000 euros, en même temps que 2 autres sculptures, Module Alpha d'Ulysse Lacoste, positionné sur le parvis de la cathédrale, et Éole de Catherine Basse, installée dans le bas du parc François Mitterrand. Le bâtisseur de cathédrale est un hommage aux compagnons qui ont œuvré à la construction du patrimoine, décrypte Julie Borel, organisatrice du parcours. Il s'est aussi inspiré de Sisyphe du Titien et des cariatides de Rodin. Si la sculpture a été pensée pour le parcours ébroïcien, l'aménagement paysager de la place Mandel a quant à lui été pensé pour servir d'écrin aux bâtisseurs. La première hit radio en Normandie. Big Flo et Oli. Tu connais, non? Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux.

dancing in the moonlight. Oh babe, just wanna get some time with you. I'm writing down a list of all the reasons why I need you. We know it's time to wind this up, we'll close our eyes and turn the lights out. Just let me in before the lights out. Make me scream before the lights out. I wanna love you till it's bright out. C'est l'heure de votre rappel des titres sur Cristal. Simon Tatrou, bonjour à tous. La bonne coopération en Normandie, Grande-Bretagne et la crainte du Brexit. Sur 500 entreprises étrangères en Normandie, 53 entreprises viennent du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est le 4e client de la Normandie pour l'export et 7e fournisseur pour l'import. Normandie, 4e région de résidence des Britanniques en France. Lien privilégié entre les universités normandes et britanniques. Le président de la région Normandie, Hervé Morin, a exprimé ce mercredi à Londres son inquiétude quant aux conséquences du Brexit et la mise en place de nouveaux contrôles sur l'activité et le trafic des ports normands. Le département de l'Eure va signer aujourd'hui une convention avec le comité régional Action Logement autour de trois axes communs: favoriser l'accès au logement des jeunes en retour à l'emploi et développer l'offre de logements intergénérationnels, rénover les logements en centre-bourg afin de renforcer l'attractivité des cœurs des villes et accompagner les personnes à mobilité réduite face à l'accès et au maintien dans le logement. Et puis Emmanuel Ducouré est le nouveau patron des sapeurs-pompiers de l'Eure. Ce colonel de 46 ans va prendre la direction du service départemental d'incendie et de secours, le SDIS, et ce à compter du 3 décembre 2018. Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me?

Cristal, la première hit radio en Normandie. Yeah.

Et puis Emmanuel Ducouré est le nouveau patron des sapeurs-pompiers de l'Eure. Ce colonel de 46 ans va prendre la direction du service départemental d'incendie et de secours, le SDIS, et ce à compter du 3 décembre 2018. Cristal, la première hit radio en Normandie. Toi tu fais la fête comme si de rien n'était. Moi sur la banquette, j'ai la gorge serrée. Un fleuve que rien n'arrête, champagne à volonté. Même si je suis plus très nette, je vais m'en relever. Et quand je te regarde, cette fois ça crève les yeux. Tu es flou et je vois mieux, j'avoue, ce que tu es vraiment, un simple vent de printemps. Tu es flou et je vois mieux, j'avoue, ce qui compte vraiment, j'aurai d'autres printemps. Mais celui-là, qu'il était doux. Vois même assez net, caché dans l'angle mort, les futurs coups du sort. Mais celui-là c'est bête, il ne veut pas passer. Planté comme une arête, dans ma gorge serrée. Faudra que je l'enlève, tu vois ça crève les yeux. Tu es flou et je vois mieux, j'avoue. C'est déjà l'heure. Avec Dimitri sur Cristal. The love we got, audio. I'm flying high, superhero.

Lundi 26 novembre, c'est le début de semaine. Retour au travail aujourd'hui pour la plupart d'entre vous. Bon courage, hein, c'est jamais facile de reprendre tôt un lundi matin. Mais sur Cristal, on est là et on vous accompagne pour ce début de journée. Ça pique un petit peu hein, ce matin aussi. 2 degrés à Rouen, 2 du côté de Caen, chez François, près du port. Pas plus de 3 degrés sur Évreux et dans l'heure. Voilà, on fait un petit point météo dans les prochaines minutes avec votre actu en Normandie. Il y a Stromae hein, qui arrive aussi. Mais d'abord, comme tous les matins, c'est votre horoscope. Avec qui? Eh bien, avec Alexandra, bien sûr. Il est bientôt 6h. Très bon réveil. Bonjour à tous, belle semaine qui commence, nous sommes le lundi 26 novembre. L'horoscope des béliers, vous êtes à fond les manettes dans votre travail, même les tâches urgentes ne vous font pas peur, bien au contraire. Vous adorez l'imprévu, les taureaux, les copains qui débarquent sans crier gare, ça ne vous dérange pas, même un lundi. Les gémeaux, vous avez le désir de prendre du recul en ce début de semaine. Cancer, vous avez tendance à courir après plusieurs lièvres à la fois, sans vous fixer, comme un papillon attiré par plusieurs fleurs. Lion, vous êtes dans une phase positive aujourd'hui pour demander à votre chef tout ce que vous voulez. Vierge, vous éprouverez le besoin d'avoir un jardin secret qui n'appartient réellement qu'à vous. Balance, vous serez bien décidé à dépasser vos craintes, à mettre votre timidité dans votre poche. Très actif, les scorpions, fermement décidés, vous ne suivrez qu'une seule route, la vôtre. Quel dynamisme ! Sagittaire, un peu de légèreté survient au travail. Des collègues prêtent main forte et vous assistent. Votre gentillesse est visible, les capricornes, faites en sorte de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Verseau, vous voilà revenu à votre vieille habitude de décortiquer les gens et les situations pour mieux analyser. Les poissons, votre moitié, reste sous le charme et vous suit les yeux fermés sur toutes vos initiatives. Excellente journée à tous. Ta voix font tourner la tête, tu me fais danser du bout des doigts, comme tes cigarettes, immobile comme à ton habitude. Mais es-tu devenue muette ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus? Et voilà. C'était croisé, même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi. Mais pourquoi moi, alors que les autres te trouvaient bien trop laide? Peut-être que moi, je suis trop bête, mais je sais t'écouter. Tu en brigade à des millions de soldats dans ta patrie, donc garde. Césaria, tu nous as tous quand même bien nus. Hein. Tout le monde te croyait disparu, mais tu es revenu. Césaria, quelle belle leçon d'humilité. Malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité. Et voilà. Tu ne m'aimes plus ou quoi? Et voilà. Après tant d'années. Une de perdue, c'est ça. Et voilà, et voilà. Je te retrouverai, c'est sûr. Bon courage si vous bossez déjà, prudence aussi sur les routes, hein, c'est jamais simple un lundi matin, mais que vous soyez sous la couette en train de petit-déj ou en train d'arriver au bureau, on est là avec vous sur Cristal. Il est 6h, le retour de Void dans un instant. La première hit radio en Normandie. Et je vais aussi vous parler d'...